Ézéchiel chapitre 39. Toi donc, fils d'homme, prophétise contre Gog, et dis, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Gog, prince des chefs de Mézéch et de Tubal. Et je te ferai retourner en arrière, n'en laissant que de Silin, après t'avoir fait monter du fond de l'Aquilon, et t'avoir fait venir sur les montagnes d'Israël. Car je romprai ton arc dans ta main gauche, et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi, et toutes tes bandes, et les peuples qui seront avec toi, je t'ai livré aux oiseaux de proie entre tous les oiseaux, et aux bêtes des champs, pour en être dévoré. Tu tomberas sur le dessus des champs, parce que j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel. Et je mettrai le feu en Magog, et parmi ceux qui demeurent en assurance dans les îles, et ils sauront que je suis l'Éternel. Et je ferai connaître le nom de ma sainteté au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne profanerai plus le nom de ma sainteté, les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Voici, cela est arrivé, et a été fait, dit le Seigneur, l'Éternel, c'est ici la journée dont j'ai parlé. Et les habitants des villes d'Israël sortiront, et allumeront le feu, et brûleront les armes, les boucliers, les écus, les arcs, les flèches, les bâtons qu'on lance de la main, et les javelots, et ils y tiendront le feu allumé s'étendant durant. Et on n'apportera point de bois des champs, et on n'en coupera point des forêts, parce qu'ils feront du feu de ces armes, lorsqu'ils butineront ceux qui les avaient butinés, et qu'ils pilleront ceux qui les avaient pillés, dit le Seigneur, l'Éternel. Et il arrivera en ce jour-là, que je donnerai à Gog dans ses quartiers un lieu pour sépulcre en Israël, savoir, la vallée des passants, qui est au devant de la mer, et d'étonnement elle réduira les passants au silence, on enterrera la Gog, et toute la multitude de son peuple, et on l'appellera, la vallée d'Amon Gog. Et ceux de la maison d'Israël, les enterreront pendant l'espace de 7 mois, pour purifier le pays. Tout le peuple, dis-je, du pays les enterrera, et cela leur sera en renom, savoir, le jour auquel j'aurai été glorifié, dit le Seigneur, l'Éternel. Et ils mettront à part des gens, qui ne feront autre chose que parcourir le pays, lesquels, avec les passants, enterreront ceux qui seront demeurés de reste sur le dessus de la terre, pour la purifier, et ils en chercheront jusqu'au bout de 7 mois. Et ces passants-là iront par le pays, et celui qui verra l'os d'un homme, dressera auprès de lui un signal, jusqu'à ce que les enterreurs, l'aient enterré dans la vallée d'Amon Gog. Et aussi le nom de la ville sera Amona, et on nettoiera le pays. Toi donc, fils d'homme, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, dis aux oiseaux de toutes espèces, et à toutes les bêtes des champs, assemblez-vous et venez, amassez-vous de toutes parts vers mon sacrifice que je fais pour vous, qui est un grand sacrifice sur les montagnes d'Israël, vous mangerez de la chair, et vous boirez du sang. Vous mangerez la chair des hommes forts, et vous boirez le sang des principaux de la terre, le sang des moutons, des agneaux, des boucs et des veaux, tout grasse bête de Basan. Vous mangerez de la graisse jusqu'à en être rassasié, et vous boirez au sang jusqu'à en être ivre, de la graisse, dis-je, et du sang de mon sacrifice, que j'aurai sacrifié pour vous. Et vous serez rassasié à ma table, de chevaux, et de bêtes d'attelage, d'hommes forts, et de tous hommes de guerre, dit le Seigneur, l'Éternel. Et je mettrai ma gloire entre les nations, et toutes les nations verront mon jugement que j'aurai exercé, et comment j'aurai mis ma main sur eux. Et la maison d'Israël connaîtra dès ce jour-là, et dans la suite, que je suis l'Éternel, leur Dieu. Et les nations sauront que la maison d'Israël, avait été transportée à cause de son iniquité, parce qu'ils avaient péché contre moi, et que je leur avais caché ma face, et les avais livrés entre les mains de leurs ennemis, tellement qu'ils étaient tous tombés par l'épée. Je leur avais fait selon leur souillure, et selon leur crime, et je leur avais caché ma face. C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, maintenant je ramènerai la captivité de Jacob, et j'aurai pitié de toute la maison d'Israël, et je serai jaloux du nom de ma sainteté. Après qu'ils auront porté leur ignominie, et tout leur crime, par lequel ils avaient péché contre moi, quand ils demeuraient en sûreté dans leur terre, et sans qu'il y eût personne qui les épouvantât. Parce que je les ramènerai d'entre les peuples, que je les rassemblerai des pays de leurs ennemis, et que je serai sanctifié en eux, en la présence de plusieurs nations. et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, lorsqu'après les avoir transportés entre les nations, je les aurai rassemblés en leur terre, et que je n'en aurai laissé demeurer là aucun de reste. Et je ne leur cacherai plus ma face, depuis que j'aurai répandu mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel.